Arc-en-ciel, il est très exactement 14h02. Michel avec vous jusqu'à 16h pour ce cocktail coloré, taisez-vous l'accordéon, pour ce cocktail coloré de ce lundi, comme tous les lundis, un petit peu d'accordéon, beaucoup de chansons, et je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi à l'écoute du 96.2. Petit problème pour les publicités, ça ne démarre pas, mais bon, on verra ça. Alors, on débute avec le Music Show Orchestra. Adieu, joli Candy. Pascal Danel, la plage romantique. je veux t'aimer à mon idée. Et mes mains sur ton visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Viens, veux-tu m'épouser? Viens, allez, viens, viens, viens, viens, viens, Le Music Show Orchestra, il y aura d'autres Paloma Blanca.

Et on continue en chanson avec Jean-Jacques Debout. Et ce sera Pour moi la vie va commencer. C'est pas pour moi, je vous rassure tout de suite. Pour moi, la vie va se terminer bientôt, pourquoi pas. Didier de Sauche. Didier de Sauche, ça ne vous dit rien. C'est un accordéoniste de Saône-et-Loire qui avait mis en musique mode indicatif d'accordéon de nos régions du dimanche. Accordéon de nos régions, écrite par Odette Perret. Didier de Sauche nous interprète Bonjour la France. Avec le monde entier, tu sais te partager. Bonjour, bonjour. soleil brille partout. Inutile d'être jaloux. Couleur d'essai, son parfum des régions. Y'a pas de différence. Bonjour la France. Ceux qui cherchent le bonheur, couleur d'essai, son parfum des régions. Y'a pas de différence, bonjour la France. Oui, pas de différence, bonjour la France. Henri Jossy nous interprète Reginella. L'amour vint émouvoir nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle d'un beau soir. Nous avons prononcé tous deux enlacés des serments jamais effacés. La chapelle au clair de lune où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune rendez-vous, car de nos amours encloses. Petite erreur, c'est pas la chapelle claire de lune, c'était Reginella. Et voilà. Ça ira mieux comme ça, hein. Lorsque descend le crépuscule, qui est trop jeune à contrebandier, qui rend derrière lui sa mule, chantant, montant dans les sentiers, qui va piano, piano, piano, piano, qui va piano, piano, piano, bassano, qui va sano, sano, sano, sano, valentano. Oh, bella Reginella, ce soir ma filanella te dira, cher amour, jusqu'à l'aurore, que je t'adore et bien plus encore et pour toujours. Oh, ma douce compagne, aux échos des montagnes, je livre ma chanson pour que la brise te la redise, qu'elle te brise de son frisson. Apercevant des campanules, grimpant le long d'un mur tout blanc, qui trop vient d'arrêter sa bulle, seul il avance tout tremblant. Qui va piano, piano, piano, piano, qui va piano, piano, piano, va sano, qui va sano, sano, sano, sano, va lontano. Oh, bella Reginella, entends ma filanella. Reginella paraît, son front rayonne, son cœur frissonne et s'abandonne à tout jamais. Oh, ma douce compagne, toi reine des montagnes, laisse-moi, cher amour, jusqu'à l'aurore, te dire encore que je t'adore et pour toujours. Reste là, mon amour, pour toujours, Reginella. Auprès de ma blonde, maintenant, c'est Didier de Sauche à l'accordéon. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah bah, décidément, ça va mal. Auprès de ma blonde, c'est ceci.

remarquez, cette chanson-là, j'aurais pu la chanter depuis longtemps déjà, parce que il y a quelque temps déjà, j'avais été voir un directeur d'une maison de disques, une maison qui font des machins, quoi. Et alors là, le directeur m'avait reçu très gentiment, j'avais dit, j'ai une chanson. Oh, ben il m'avait dit, mais sûrement. Il dit, écoutez, il dit, pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais il dit, laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Et effectivement, il m'a rappelé. Entre-temps, moi, j'ai fait mon service militaire, mais on n'était pas à 5 minutes, pas. Alors là, il m'a rappelé et il m'a dit, nous vous attendons cet après-midi sans faute à 3 heures. Alors, pensez, moi, je... Alors là, on a bavardé, tout ça, il m'a reçu très gentiment. Et on a causé, quoi, une dizaine de secondes. Et alors, il m'a dit, écoutez, maintenant, je vais pouvoir faire ça rapidement, soyez tranquille. C'est... Alors, vous pensez, quand je suis rentré à la maison, moi, je l'ai dit à papa, j'ai dit, ben maintenant, il me dit, oui, il me dit, si t'en suis comme ça, maintenant, t'as le pied dedans. Il m'a pas dit dans quoi, mais je... Enfin, maintenant, ça y est, je vais vous chanter Papa, Maman, l'abonnez-moi. Allez-y, monsieur le... Oui, dites, monsieur l'accompagnateur, vous êtes, je sais, vous êtes bien payé, mais tapez pas trop fort quand même, parce que pour qu'on puisse entendre l'artiste. Papa, Maman, l'abonnez-moi. Je suis de nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux, papa, maman, la bonne et moi, des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament, papa, moi, la bonne et maman. L'été, on va au Sable d'Olonne. Papa, maman, moi et la bonne. Quand on vient, il nous reste 20 francs, papa, moi, la bonne et maman. Il nous reste 20 francs, donc faut pas exagérer quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Père l'amoureux est fonctionnaire, maman est fille d'horticulteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. J'ai mis brevet parce que certificat d'études ça prend trop de place. Bon, enfin, ça c'est une affaire personnelle. Un grand-oncle et pas de petite sœur, mais vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour plaire aux dames, on ne fait pas mieux. Papa, maman, la bonne et moi. On a une radio qui ne marche pas, un très vieux piano qui détonne. Papa, maman, moi et la bonne. Samedi, on va au cinéma. Maman, la bonne, moi et papa. Le dimanche, on va chez des parents. Papa, moi, la bonne et maman. Et alors là, c'est agréable parce qu'il y a toute la famille, on est tous là. Alors il y a grand-mère, il y a grand-père, tout ça, on se paye de ses brins, on boit des verres pleins de cidre. La vie n'est pas une chose amère quand on la prend du bon côté. Nous avons tous nos petites misères, mais faut savoir s'en arranger. Faut se débrouiller pour être heureux, même si on se nomme pas l'amoureux. Papa, maman, la bonne et moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Et cette façon de voir prouve qu'en somme, papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%. Papa, moi, la bonne et maman. Voilà, c'était Robert Lamoureux, papa, maman, la bonne et moi. Didier de Sauche que nous interprète maintenant. Il est un coin de France. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Thank you. refrain des Chevaux de Bois, interprété par Ray Ventura et ses collégiens. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir une attraction unique au monde, ce que nul n'a jamais vu. Entrez. Miss Niagara, la femme centaine. Par ici, mesdames et messieurs, entrez, tentez votre chance, un sourire parti, par ici. Commence de voir les lions. Qui veut faire un carton? Viens ma chérie, ne me sois pas belle, belle, belle fleur de printemps. Tu es parmi les autres jouvencelles, celle, celle que j'aime tant. Je ne pourrai pas t'offrir des bijoux, la fortune ou le Pérou. Mais je t'invite et selon mes moyens, je ne te refuse rien. Ah, viens, viens ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Ça fait tourner la tête, comme si l'on avait la gueule de bois. Et si tu casses une gambette, on te fera mettre une belle jambe de bois. Ah, viens, viens ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Allons messieurs dames, passons la monnaie en voiture. Et l'on ta main glisse, lisse, lisse, moi les cheveux. Je t'offrirai un bout de pain d'épices, puisque, puisque, puisque tu veux. C'est pas toujours que l'on peut se payer du plaisir à bon marché. Sur ce manège, alors profitons-en, car le bonheur n'a qu'un temps. Ah, viens. Viens ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Ça fait tourner la tête, comme si l'on avait la gueule de bois. Et si tu te casses une gambette, on t'en fera mettre une belle jambe de bois. Ah bien, viens ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Nous chante la petite église célèbre. Je suis une église au fond d'un mont, dont le fin clocher se mire dans l'eau. Dans l'eau pure d'une rivière, lorsque je suis là du monde et du bruit, j'y viens à pas lents quand tombe la nuit, faire une prière. Volubilis en cache l'entrée, il faut dans les fleurs faire une trouée pour venir prier au lieu saint. Un calme imposant y saisit tout l'être avec le printemps. Un parfum funèbre, muguet et jasmin.

Texas ou l'Aurore, à des parfums de violette, un frisson de motore, fait chanter toutes les pauvrettes avec leurs tresses brunes. Cherche fortune, elle donne l'amour. Dès que le jour appuie, elles s'en vont les frères, et de l'ardente nuit ont goûté le mystère, les baisers de passion de ces pauvrettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le gaucho qui chemine dans la sierra mystérieuse presse sur sa poitrine sa tendre fauvette amoureuse. Il a le cœur en fête en cette nuit d'été, car tout bas la fillette lui promet sa beauté. Dès que le jour a fui, elles s'en vont les frères, et de l'ardente nuit ont goûté le mystère, les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Il doit quitter le pays d'un rêve, il emporte là-bas l'espoir et la fortune, mais son corps restera chez les fauvettes brunes. Et on retrouve Didier de Sauche. Non, non, on ne s'inquiète pas encore. Hein. On a encore une bonne heure. C'est le tour maintenant d'Annie Cordy, un souvenir. Bonbons, caramel et chocolat. Chocolat, c'est l'actualité. Hein. Bonbons, caramel et chocolat.

rosa, promets-moi que loin de moi tu la protégeras. Et quand bientôt elle reviendra, Luna Rosa, nous irons tout bas, car tous les deux nous croyons en toi. Autant qu'à la Madone. On écoute maintenant Christophe Jean Mougin, un petit air d'accordéon, et ce sera Amapola. Je dirai, je t'aime.

Y'a plus de pêcheurs, y'a plus de baigneurs, y'a plus de belles sous la ramure, il reste plus que des épluchures. Germaine me dit, j'ai mal aux pieds, sur mon vélo je dois la ramener, mais dès lundi je pense au samedi, le samedi, moi samedi, oh oh, à Joinville, le pont, c'est moi ça, dis donc, que nous irons. On a dû se gourer là. Et maintenant on va descendre dans la salle, on va danser, on va se marrer. Je vais aller chercher une nana. Une nana brune ou une nana blonde? Si j'ai une nana blonde, j'aurais pas une nana brune. Mais si j'ai une nana brune, alors là, ça va être bien. Quelle belle soirée! C'est le meilleur moment de la journée! C'est relax! Quel bon métier que le nôtre! Qu'est-ce que vous faites après? Vous habitez chez vos parents? Jaloux! Des fois ça marche! Joinville-le-Pont, oh, oh, tout le nous irons. Oh, oh, regardez, car si le cœur nous en dit, on pourra aussi, si, si, nous mettre à cacher, Oh, je me suis gouré. Pierre et Jean-Marc Thibault. Et on écoute maintenant Jean-Marco, le charme de Dolores. Le charme de Dolores. Sonner minuit, là-bas, les ombres glissent dans la nuit. La taverne à ses lampions éteints, pour le temps, l'on y rira jusqu'au matin. C'est la même chose tous les soirs, poussez la porte et vous allez savoir pourquoi les hommes au Chili ne sont pas dans leur lit. Qu'il est troublant, le charme de Dolores. Tous les seigneurs n'endorment plus. Les plus brillants de tous les matadores vont voir Dolores le soir venu. À chaque danse, sa robe vole et les affole un petit peu plus. Voilà pourquoi, pour voir danser Dolores, tous les seigneurs. Pourquoi, pour voir danser Dolores? petit air d'accordéon avec Jean Mougin, Christophe Jean Mougin, et ce sera la comparsita. Ciao. voilà, il est 15h24 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Dans 8 jours, donc lundi prochain 21, ce sera la dernière émission avant Noël et émission spéciale sur Radio Arc-en-Ciel où je ferai chanter, comme dit l'autre, plusieurs grandes vedettes, tous les chants de Noël connus. Et on va continuer, nous, aujourd'hui, avec la flûte de Pan de Pascal Tippel et son orchestre. Et on va écouter « Après tant d'années d'amour ». Thank you. grand succès d'André Verscheren, Le chouchou de mon cœur. Ce qu'on appelle un cordon bleu. Quand tu fais la cuisine, c'est immangeable, c'est effrayant. La seule chose que tu saches, c'est cuire des œufs. Et encore, tu les rates de temps en temps. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Avec ton nez pointu, tes 100 kilos et tes fausses dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de cocker. Mais tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. C'était Le chouchou de mon cœur d'André Verscheren et Jean Moutet. Interprété par Christophe Jean Mouge. Et maintenant, je vais vous laisser en compagnie de Bourville, qui va vous raconter une histoire de rire. Vous voulez bien, vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle, hein? Bon, oui, parce que vous savez, elle est vraiment drôle, vous savez, vraiment. Je suis bien content que ce soit à moi de prendre la parole, parce que depuis que je sais que je vais vous raconter cette histoire drôle, je ris. Je peux plus me retenir. Je suis pourtant pas d'un âge. Je m'excuse, il faut que je vous la raconte. Hein. Voilà. C'est l'histoire. Non, écoutez. C'est l'histoire du jockey. Vous riez déjà avant de la connaître, qu'est-ce que ça va être quand vous la connaîtrez. Écoutez. C'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Ah oui, mais attendez, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise ce qui est arrivé à mon copain qui l'a raconté, cette histoire drôle, pour que vous preniez vos précautions, vous allez comprendre après. Un jour, mon copain qui racontait cette histoire drôle, un jour il va dans un café où il avait l'habitude d'aller, puis ce jour-là il n'y avait personne, il n'y avait pas de client, il y avait juste la servante là, qui servait à rien, ouais. Et elle lui dit, alors quoi de neuf? Bah, il dit rien. Bah, elle lui dit, c'est tout ce que vous me racontez? Oh, il dit oui, en gros, c'est tout. Puis il se ravise et il dit, vous voulez pas que je vous raconte une histoire drôle? Ah oui, qu'a fait la petite? Ah oui, elle s'embêtait, ah oui. Alors, il lui raconte l'histoire que je vais vous raconter, là. Ah non, c'est trop drôle. Il lui dit comme ça, c'est l'histoire du jockey. Le jockey qu'a fait la petite. Oh, le jockey. Parce qu'elle comprenait tout, elle était pas bête. Hein. Alors, le cœur, arrêtez. Arrêtez, c'est trop drôle. Mon copain, il ne voulait pas arrêter. D'ailleurs, il lui a dit, enfin, madame, vous l'avez voulu, hein. Quand on a mis ça en route, c'est comme tout, il faut aller jusqu'au bout, hein. Alors, il lui dit, c'est le jockey qui rentre dans la salle de bain. Voilà la petite qui veut arrêter. Arrêtez, j'étouffe. J'étouffe. Vous allez me faire mourir. Elle croyait pas si bien dire parce qu'elle est morte. Mon copain, il était embêté. Hein. Je sais que c'est une histoire à mourir de rire, mais quand même. Hein. Il a été amené au commissariat. Hein. Et là, le commissaire l'a interrogé. Hein. Il lui a dit comme ça, alors, comment l'avez-vous tué, la petite? Hein? Bah, mon copain a dit, je ne l'ai pas tué, j'ai raconté une histoire drôle. Hein? Une histoire drôle qui fait comme ça, sceptique. Parce qu'il était sceptique, le commissaire. Très sceptique. Toujours sceptique. D'ailleurs, dans son entourage, tous ses collègues, il l'appelait sceptique. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Son vrai nom, c'était La Fosse. Alors, il dit comme ça, hein, vous racontez une histoire drôle. Ben, racontez-la nous, Guivet. Oh, mon copain dit, oh non, monsieur le commissaire, je manque d'entrain. Alors, je manque d'entrain. Alors, à ce moment-là, il y a un grand costaud qui s'amène. Un grand costaud qui est avec le commissaire, qui lui fait... Vous voulez que je vous en donne, moi, de l'entrain? Hein? C'était un sentimental. Oh, mon copain qui est influençable, il dit, bon, bah, puisque vous me le demandez gentiment, je vais vous la raconter, mon histoire. Alors, il leur raconte l'histoire de... que je vais vous raconter. Il leur raconte... l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Oh, qui met le commissaire. Arrêtez. Mon copain dit, oh non, j'arrête pas. Pour une fois qu'on rigole au commissariat, faut en profiter. Et il continue, il dit, c'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Et le commissaire dit, oh. Voilà qu'il s'attrape le ventre. On aurait dit qu'il n'était pas bien. Hein. Il faut croire qu'il n'était pas bien parce que à ce moment-là, il a poussé un de ses cris. Il est mort. Le grand costaud, il est mort que 8 jours après parce que il n'avait pas compris tout de suite. La fiesta champenoise, Christophe Jean Mougin. Fakir et les marchands. cacahuète jettent leurs cris perçants. Pour vous, mesdames, y a l'homme canon. Pour vous, messieurs, la femme poisson. L'enfant s'amuse comme le papa. Le plus grand cirque du monde est là. À votre gros propriétaire, les clowns qui vont vous abuser, à ceux qui rient pour cacher leur cœur brisé. Tigresse, maîtresse, que vous vous ressemblez, le trapéziste, quel artiste, des fils à mort qui se promènent sur la piste, tout l'univers pour quelques francs, le plus grand cirque du monde en foule vous attend. La séance va commencer. Oh. termine cette émission en compagnie de Raymond Girard. Dans quelques minutes, on va se quitter. Marseille à Chicago, de Madrid à Mexico, on entend partout cet air ensorceleur qui vous prend le cœur. Une étrange mélodie que jamais plus on oublie, un rythme nouveau, le monde est fou, c'est tout. À l'amour, il dit aimer. Au chagrin, il dit pleurer. Chacun trouve en l'écoutant un écho à tous ses sentiments. Il vous parle de désir, d'amour ou de plaisir. Il fait revivre tant de souvenirs. Au coin de toutes les rues, dans les cafés les moins courus, c'est lui que l'on entend chanter, rechanter. La fête, le titi, le merle dans son lit, elle symphonie. Vainqueur de tous les swings, il a conquis tous les dancings. Et son refrain sur toutes les lèvres vous donne une étrange fièvre. À tous les amoureux du monde, je donne l'ivresse à la ronde. Je suis la chanson du bonheur qui vous enchante et vous met la joie dans le cœur. À tous les amoureux du monde, je veux que mon refrain réponde et que jusqu'à la fin des jours, il chante l'amour. De Marseille à Chicago, de Madrid à Mexico, on entend partout cet air ensorceleur qui vous prend le cœur. Une étrange mélodie que jamais plus on oublie. Un rythme nouveau, le monde est fou, c'est tout. La valse parisienne tourne, tourne à deux. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. Ce n'est jamais qu'un petit air du printemps sur un rythme à trois temps. Pourtant ces trois temps qui n'ont l'air de rien ne sont pas des temps pour rien. Toutes les petites parisiennes valsent 100%. Pas besoin qu'on leur apprenne, elles ont ça dans le sang. Faut les voir tourner, virer dans les balles de la Villette à Saint-Ouen. Ce qui prouve qu'on peut songer à tourner mal tout en tournant très bien. Les midinettes tous les samedis sur leurs gambettes tournent ainsi. Oui, mais leur tête tourne aussi. Et la tête, vous le savez, n'est pas loin du bonnet en ficelle. Eh bien voilà, on va se quitter. Je vais vous laisser en compagnie tout à l'heure, dans une demi-heure, de Francky pour son émission After Job ou After Work, c'est comme on veut. Ça veut dire à peu près la même chose. S'il me reste encore des notions d'anglais, j'en profite. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 13h30. Non, même pas, 13h, pardon. 13h, 15h30. L'accordéon de nos régions. Bonne semaine à tous. Et n'attrapez pas le virus, c'est pas la peine. On se quitte, voilà, c'est parti. Et ça va partir dans quelques secondes. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres musiques, d'autres